Ton amour a fait de moi une femme. Je suis née une seconde fois. Tu as mis au monde l'amour d'une femme. Je ne vois ma vie qu'à travers toi. Une femme qui saura vivre l'amour au long des nuits et des jours. Une femme qui saura te rendre heureux en baignant ta vie en deux. Une femme qui te donnera sa vie, qui te donnera ses nuits. Une femme qui saura te consoler, qui vivra à tes côtés. Je me sens bien dans la peau d'une femme. Je ne veux rien d'autre qu'être à toi. Je dépends de tes rires et de tes larmes. Je ne vois ma vie qu'à travers toi. Une femme qui saura vivre l'amour au long des nuits et des jours. Une femme qui saura te rendre heureux en baignant ta vie en bleu. Une femme qui te donnera sa vie, qui te donnera ses nuits. Une femme qui saura te consoler, qui vivra à tes côtés. Je serai une femme qui saura.